Chapitre 14e, un ray de lumière. Le lendemain, après une nuit confortable qui a suivi une soirée au cours de laquelle nous n'avons pu échapper à la garbure et aux ortolans, nous reprenons la route direction Biarritz. À la hauteur de Peyorad, mon portable se met à sonner. C'est Madame Pereira qui veut savoir si nous avons passé une bonne nuit et qui vient de se souvenir du nom de famille de Michael. J'ai cherché dans mes lettres et dans ma tête. Ça m'énerve quand je n'arrive pas à me souvenir de quelque chose. Je me souviens maintenant. Michael s'appelle Iturald. Je me suis trompé. Il ne vient pas de Saint-Jean-de-Luz, mais d'Asquin. Ce n'est pas très loin de Saint-Jean-de-Luz. Merci, Madame Pereira. C'est sympa de votre part, mais ce n'était pas si important que cela. Pour moi, si. Je commence à me demander si je ne perds pas la mémoire. Je m'empresse de communiquer l'info à Louis, qui est en train de conduire. Je sais où c'est Asquin. Tiens, eh bien ça tombe bien. Je vais décider de vous montrer l'arrière-pays basque. Nous avons toute la journée. Vous allez voir comme c'est beau. Arrivé après Bayonne, Louis bifurque sur Estaritz au lieu de continuer vers Biarritz. Nous arrivons dans une région si différente de la nôtre. C'est un peu la Suisse, un peu Disneyland, avec des maisons à colombages et à volets rouges ouverts, aux toits à deux pentes, aux balcons fleuris, où les gens font sécher des piments, autant pour la décoration que pour la table. Les monts ont des courbes douces, comme les dessins d'enfants. Les routes serpentent sans danger. Plaisir des yeux, sentiment de paix et de perfection, d'autant que le soleil est de la partie. Tout à coup, juste avant Espelette, une idée me vrille la cervelle. J'ordonne à Louis de stopper la bagnole et je bondis dans le coffre pour farfouiller dans mon sac de voyage. « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» me demande Gilda, l'air excédé. « Rien, rien, je cherche un bouquin. »« Tu crois que c'est le moment ? Mais qu'est-ce que tu deviens pénible, fan de pied ?» Je reprends finalement ma place à l'avant, muni du bouquin que j'étais allé chercher et que je m'étais promis de terminer pendant les vacances. Je vous demande pardon à tous, mais ça ne pouvait pas attendre. Tout en parlant, je feuillette mon bouquin et soudain je crie « Et voilà, je le savais !» Louis donne un léger coup de volant, surpris. « T'es pas un peu jobard, non? Tu m'as fait peur. Alors, c'est quoi ton truc ?»« Voilà, Iturald. C'est le nom du gars qui a été buté après le casse de la banque de Pau. » « Regardez, c'est écrit là, dans mon bouquin. Fais voir. » Je passe le bouquin à l'arrière, ouvert à la bonne page. Paul a lu à voix haute l'article que je lui ai montré. « Bon, et alors ?» dit Louis. « Iturald, c'est un nom d'ici, ça n'a rien d'extraordinaire. »« Ah, tu ne vois pas le rapport possible. »« Écoute, » dit Gilda, « tu nous gonfles avec tes histoires. T'es toujours à fouiner comme un vieux rat. Laisse-nous admirer le paysage et lâche-nous avec ton basque. » Vexé comme un pou, je me rencogne près de la vitre, et me promet de la fermer pendant un bon moment. En passant, nous faisons provision d'Isso Irati et parvenons à Asquin, la malle arrière fleurant bon diverses denrées. Louis annonce une pause incontournable dans ce village, tourisme oblige. Je sais pertinemment qu'il se fout d'Asquin, mais que comme moi, quoi qu'il en dise, il a envie de savoir. Jusqu'à quel point nos femmes sont dupes, personne ne le sait. Et nous voilà, nés au vent, nous baladant dans les ruelles du Patelin. Nous admirons le vieux pont romain sur la Nivelle, la place et son fronton, l'église avec son gros clocher carré. De temps à autre, en essayant de ne pas attirer l'attention, j'entre dans un commerce pour demander Madame Veuve Iturald, que j'ai connue il y a longtemps. Finalement, la chance me sourit. Une brave boulangère me dit « Celle que son mari a été assassinée. Elle habitait juste en face, mais désormais elle réside chez son fils, à Serres, juste à côté. Son fils, dis-je, lequel ? Manuel ! L'autre est parti l'an dernier. Vous n'aurez pas de mal à la trouver. Sœur, c'est tout petit. » De retour dans le groupe, je glisse à Louis. « J'ai trouvé. Il faudra s'arrêter à Serres. C'est juste à côté, sur la route de Saint-Jean-de-Luz. Toi alors, quand tu veux quelque chose. » Nous repartons, les femmes émerveillées par ce qu'elles viennent de voir. Louis leur annonce que nous allons faire un petit détour par un minuscule village et qu'après, nous longeons la côte, doucement, de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz. À notre arrivée dans Serres, Paula s'exclame. « Mais qu'est-ce qu'on vient trafiquer dans ce trou ? Attends, ça ne va pas durer longtemps. Encore une histoire de mon fada de mari, » renchérit Gilda. La première porte à laquelle je frappe paraît être la bonne. Le rideau de la fenêtre voisine se soulève, et un visage de femme plus que mûr apparaît, puis disparaît, et une voix crie derrière la porte. « Qu'est-ce que c'est ? Je suis un ami de Michael, je viens vous donner des nouvelles. » Aussi sec, j'entends tourner trois verrous à vitesse grand V et la dame me dévisage. J'ai de la chance car apparemment elle est seule au logis. « Vous êtes un peu vieux pour être un de ses amis, » fait-elle, soupçonneuse. « Non, je suis plutôt un voisin. Vous venez de Marseille ? Oui, à côté. Alors qu'est-ce qu'il a fait, mon couillon de fils ? Il est jardinier. Ça a l'air de lui plaire, il travaille bien. Jardinier, vous dites ? Entrez. Elle me laisse passer. La porte fait pénétrer directement dans une vaste pièce qui sert de cuisine, salon, salle à manger. Une énorme cheminée occupe tout un pan de mur, avec à l'intérieur une gigantesque cuisinière à bois digne de la cuisine d'un ogre. « Asseyez-vous, attendez !» lui dis-je, « je vais prévenir ma femme et mes amis que je vous ai trouvés. Mais faites-les venir, ça me fera de la compagnie !» Je tairai, lecteur, les commentaires amers et peu flatteurs que me vaut l'offre d'aller voir la vieille. « Qu'est-ce que tu peux être emmerdant ?» marmonne Gilda. Et nous voilà repartis dans un épisode analogue à celui d'hier chez Madame Pereira, à la différence que Madame Iturralde est beaucoup plus retorse que la mère de Louisa. « Alors, vous voulez me dire un peu ce qu'il a été foutre à Marseille ? Et vous prétendez qu'il est jardinier ? Mais il n'a jamais fait ça de sa vie. Pourtant, il se débrouille bien. » « Louis est un peu palo. Il a conscience comme moi que nous naviguons en aveugle. » « Vous savez qu'il est avocat, mon fils, et que cet abruti a tout laissé tomber du jour au lendemain. Et allez savoir pourquoi. »« Si nous le savions, on vous le dirait. Vous êtes veuve, je crois. »« Ouais, mon mari a été lâchement assassiné. Je dis lâchement, mais je devrais dire odieusement. » Je me lance avec précaution et anxiété. J'ai retrouvé l'affaire de son assassinat dans un livre. C'était après le cas d'une banque à peau, non ? C'est Michel qui vous l'a dit ? Pas du tout, il ne m'en a jamais parlé. Non, je vous le répète, j'ai trouvé la relation du cas dans un recueil de toutes les affaires non élucidées. Et comment vous saviez qu'il s'agissait de mon mari ? Mais à cause du nom, il était cité dans l'article. Mouais, maugrait-elle, c'est vrai qu'ils ont réussi à l'identifier. Comme ça, notre famille est seule à porter la honte. Et les autres salauds courent toujours, tranquilles. Et pour elle-même, elle marmonne « saloperie bas ». Tout à coup, elle se lance. « Vous savez, mon mari, c'était pas un assassin. Et ce qu'il a fait, c'était parce qu'on le lui a ordonné, pour la cause. Sinon, il n'aurait jamais pris un centime, pas un, vous m'entendez ? Qu'est-ce que c'est, la cause ? Oh, maintenant, je peux vous le dire, je risque plus rien. C'est Iparitarac, le TA français, si vous aimez mieux. Il leur fallait de l'argent. Le moyen le plus rapide, c'était de faire un casse. Vicente ne voulait pas de sang. Il avait préparé ça comme un chef. La preuve, ça a bien marché. Mais le fumier qui était avec lui l'a doublé, et sa poufiasse, excusez-moi, madame, mais il n'y a pas d'autre nom, lui a mis une balle dans la tête à mon pauvre Vicente. Mais vous le connaissiez, son complice. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé à la police ? Mais cette bonne blague, parce que je tenais à ma vie et à celle de mes deux enfants. Le silence était le prix à payer. Maintenant, vous pouvez parler. Ben oui, c'est ce que j'ai fait. Mais la poufia s'est envolée dans la nature, et le salaud est mort, alors. Comment il s'appelait ? Bruno Echeverri. Ça, je peux pas l'oublier. Et sa poufiasse, comme vous dites ? Alors là, j'ai jamais su son nom. Elle était grande, une belle fille rousse, tout le temps le cul sur sa moto. Nous nous regardons avec Louis. J'ai nettement l'impression qu'il échafaude le même raisonnement que moi. D'ailleurs, il me donne tout de suite la preuve. De quoi est-il mort, cet Echeverri ? Accident de bateau. Tout a explosé et on n'a rien retrouvé. Tout aussi bien, c'est peut-être les copains qui ont vengé mon mari. Après un silence, Madame Iturralde reprend. En tout cas, ça ne me dit pas pourquoi mon fils est parti à Marseille comme un voleur. Michel connaît bien toute l'histoire de son père ? Oui, ils ont fait des recherches avec son frère. Mais je crois qu'ils n'ont rien trouvé. En tout cas, ils ne m'ont pas tenu au courant. Je crois que nous n'en saurons pas plus et je sens que Gilda et Paula s'impatientent. Leurs mines se sont allongées et ne présagent rien qui vaille. Heureusement, dès que nous arrivons au panorama de la baie de Saint-Jean-de-Luz, leurs traits se détendent. Même satisfaction lorsque nous stoppons à Guétari, qui me fera toujours penser au gentil chanteur qui a bercé mon enfance et mon adolescence dans la TSF. Même émerveillement tout le long de la côte. Certes, les couleurs sont plus douces, mais l'impression d'espace plus grande qu'en Méditerranée. Il semble aussi que le bétonnage a été plus respectueux des lieux. Quant à l'océan, Lisa est sidérée par la hauteur et la longueur des vagues, alors qu'au loin, la mer est calme. C'est le paradis des surfeurs, ici. Nous terminons notre périple par une pause au rocher de la Vierge, à Biarritz. À la vue de la statue ou du rocher, Lisa nous fait. Vous voyez, dans 2 ou 3 siècles, c'est ce qu'on verra de la bonne mer en arrivant à Marseille, une statue qui dépasse de l'eau à cause du réchauffement de la planète. Depuis cet endroit, nous explique Louis, les pêcheurs guettaient les passages de baleines. La statue de la Vierge fut érigée après une terrible tempête pour protéger la ville. Du rocher, la vue de la côte est impressionnante. « Ah ouais, fait Lisa, je dois reconnaître que c'est beau. » Le jour commence à baisser. Les derniers rayons du soleil enflamment les façades des palaces Biarro, donnant une impression de sérénité et rendant un hommage discret aux architectes qui ont su dessiner ces façades avec tant d'équilibre et de grâce. Les amis de Louis nous reçoivent de façon princière. Gabin, c'est un prénom, est psychiatre à la retraite et son épouse Aduna, bien plus jeune que lui, vraisemblablement une de ses anciennes étudiantes, a repris son cabinet. De grands plateaux d'huîtres sur lit de glace nous attendent. Gabin a également mis à rafraîchir quelques bouteilles de côte de Bourblanc, vin qu'il affectionne particulièrement. L'excellence des huîtres et du vin aidant, la conversation ne tarde pas à s'animer. Comme c'est souvent le cas, les femmes parlent entre elles et nous attaquons l'histoire de la politique avec Gabin. « Peux nous tuoter un peu sur Iparétarac ?»« Bof, c'est loin pour moi. » Iparétarac, ça veut dire « ceux du Nord ». Pour se différencier des Espagnols, de Skadit à Skatasuna, que vous appelez le Théa, et qu'on peut traduire à peu près par « liberté pour le Pays basque ». Iparétarac s'est fait un peu avaler par le Théa, qui prenait la France comme base arrière. C'était une organisation indépendantiste d'inspiration marxiste. Avec le recul, je m'aperçois que ces mecs qui réclamaient le droit à la différence prônaient en même temps le nivellement total, c'est-à-dire l'absence de différence, justement. Bien sûr, si pour toi les inégalités sont des différences, nous, à part ce qu'on en lisait dans les journaux ou ce qu'on en voyait à la télé, ça ne nous a jamais vraiment intéressés. Chez nous, on avait déjà assez à faire avec les indépendantistes corses. Mais figure-toi que récemment, Iparétarac est venu par hasard au premier plan de nos préoccupations. Ah, vous allez me raconter ça. Je dois avouer que j'en ai fait partie dans le temps. J'étais jeune, idéaliste, j'aimais ma région, alors je voulais faire avancer les choses. Dans quel sens, je ne le savais pas vraiment. Mais le côté sanglant et l'idéologie marxiste m'ont vite épouvanté. Et maintenant, je n'ai vraiment plus rien de commun avec le Théa ou Batasuna. Tu te souviens de l'affaire du casse de peau? Tu devais faire partie du mouvement à cette époque. Ouais, tu parles si je m'en souviens. La copine d'Echeberri a buté Iturralde et les deux salauds se sont barrés avec le pognon. Dans le mouvement, ça avait fait un foin terrible. On avait promis de couper les couilles d'Echeberri et de les faire manger à sa femelle. Seulement la fille a disparu et Echeberri est parti en fumée. Enfin, soi-disant. T'as pas gardé des photos des mecs de la bande, des fois? Et de pute, tu es fou. Jamais de photos, jamais d'adresse ou de numéro de téléphone quand tu fais de l'activisme. C'est la première chose qu'on t'apprend. Dommage. J'aurais bien aimé voir la gueule de cette Echeberri. Et qu'est-ce que t'en as à faire, Gino? Non, rien comme ça. Pour faire une pause, nous mangeons encore quelques fines de clair, juste grâce à point, quant au Bordeaux blanc, il se laisse boire comme de la limonade et nous discutons sur les mérites comparés des huîtres normandes et bordelaises. Bref, nous faisons des travaux pratiques. Au bout d'un moment, je réattaque. Il y a toujours des gars qui font partie du mouvement? Pas des masses. À ma connaissance, c'est surtout du côté basque espagnol qu'il y a encore des furieux. De toute façon, même si je savais quelque chose, tu pourrais te brosser pour que je te dise quoi que ce soit. Mais il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Et à quoi ça servit tout ça? Ah, écoute, je n'approuve pas les attentats, bien entendu, mais depuis quelque temps, les Basques se réapproprient leur langue et leurs traditions. On les apprend à l'école. En tout cas, les gendarmes assassinés, ils me sont restés en travers, tu vois, fulmine Louis. Mais vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait vous donner votre indépendance? Après, on l'aurait donné aux Corses, aux Bretons, aux Catalans. D'ici à ce que les Alsaciens s'y soient mis, n'y aurait pas eu loin. Et on retrouverait la France de Louis XI, dis-je en souriant pour détendre l'atmosphère. Alors que les femmes préparent le couchage et que nous sirotons un Armagnac à cordage, je demande à Gabin. Il venait d'où, Echeberri? Encore avec ça? Mais c'est un trouble obsessionnel, c'est pas possible. Louis, tu ne m'avais pas dit que ton copain Gino était un peu dérangé? Les psys ne m'ont jamais impressionné, et je lui lance. Bon, abrège. Alors réponds. Un peu désarçonné, Gabin finit par dire. Je crois bien qu'il était d'Asparen, si ma mémoire est bonne. Eh ben voilà, tu vois, dans la police, on arrive à faire parler même les psys, sans avoir besoin de les allonger sur un divan.